jure qu'on ne recommencera pas. C'est dur de tenir parole et à coup sûr, jamais on ne la tiendra. Belle histoire, belle histoire, belle histoire. On se promet l'authenticité, même amour et fidélité, jusque là où arrive la vérité. Belle histoire, belle histoire, belle histoire. Belle histoire, belle histoire. D'accord, renvoyons le mal d'où il vient. Encore que, si l'on y réfléchit bien, alors on se dit, ce serait là une moins. Belle histoire, belle histoire, belle histoire. Belle histoire. On ment, on fume, on baise et l'on boit, risquant l'enfer, mais on conviendra. Pourtant, qu'on aura fait partie de la belle histoire, belle histoire, belle histoire. Belle histoire, belle histoire. On aura fait partie de la belle histoire, belle histoire, belle histoire.